Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, j'espère que vous allez bien. C'est encore une émission enregistrée à la maison, c'est le home recording numéro 7. Mais là, c'est une version longue. Ouais, je vous préviens, dès le début, il va falloir prendre du café parce que on est parti pour 60 titres. 60 titres du meilleur de Paul McCartney entre 1960 et les brouettes. Et puis maintenant, c'est une... Oui, parce que la dernière fois, il y a deux émissions de ça ou trois émissions de ça, lorsque je vous avais fait un best-of, on s'était dit tous ensemble, ouais, deux heures, c'est pas assez long. Et je vous avais dit, moi, je pense que 6 heures, ce serait bien. Alors je me suis dit, soit je fais deux fois une émission, et on aura les 6 heures, soit je fais une émission de 4 heures, plus ou moins, et comme ça, on aura les 6 heures. Donc c'est fait, c'est programmé. Après tout, on est en confiné, donc on peut se permettre de faire comme on veut. Eric n'est pas derrière. Et puis voilà, c'est le plaisir d'écouter pendant 4 heures du Paul McCartney. Donc, je vous donne les premiers titres. Il y aura Coming Up sur l'album McCartney en 1980. Il y aura Take It Easy. Il y aura Take It Away sur Tug of War en 1982. Il y aura No More Lonely Nights, mais la version rapide sur Give My Regards to Broad Street. Et puis Only Love Remains sur Praise to Play. Et il y en aura d'autres, bien sûr, avec les Beatles et en carrière solo. Voilà, pour le reste, je vous invite à nous retrouver sur le groupe Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. On ouvre ce podcast, puisque c'est en confiné, à 20h02 le 29 avril, s'il vous plaît. C'est la saga 452C. Et on commente dans le petit topic qui sera en haut pour pouvoir être ensemble, y compris moi, pour pouvoir commenter sur cette saga qui promet d'être longue et bonne, j'espère. Voilà, fin du générique, on commence tout de suite. En 1980, terminé les Wings, il décide d'opérer tout seul. Ce sera McCartney 2, tout comme il avait fait la fin des Beatles avec McCartney. Et le premier titre qui a très très bien marché, c'est Coming Up. Bonne soirée. We'll be right back. switches on. En 1984, McCartney décide de nous refaire le coup de Magical Mystery Tour. Il nous pond un film, un téléfilm qui s'appelle Give My Regards to Broad Street. Un peu comme le téléfilm de 1967, Magical Mystery Tour, ça ne marche pas. Mais ça marche franchement moins bien même que du temps des Beatles. Mais la bande originale du film, elle aussi, a ses petites pépites, a des choses intéressantes, notamment parce qu'il reprend des Beatles. Et pas seulement. Il y a deux chansons, par exemple, une version rapide, une version lente. La première, c'est No More Lonely Nights, la version balade, tranquille, et on l'avait écoutée la dernière fois. Et la deuxième, qui termine l'album, c'est la version, la même chanson, mais la version plus rapide, la Play Out version. La voici, sur RIG, dans la saga des Fab Four, la saga des Fab Four confinée jusqu'à la fin. Et j'espère que tout se passera bien. J'espère qu'on se retrouvera sur 90.7 si vous êtes dans la région bordelaise. Et sur www.rigfm.fr si vous êtes dans le reste du monde. Pour l'instant, je vous propose seulement le podcast et j'espère que ça vous plaît quand même. Ils avaient perdu les bandes et là ils l'ont trouvé, il va le dire. Gentlemen, I'm sure you'd like to be the first to know. We got the tapes. can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string, and everything will fly. Strong enough to stretch across Finalement, on dit toujours que les artistes des années 60 ont eu un creux de la vague dans les années 80. Regardons Paul McCartney, 1982, Tug of War, très bon album qui a bien marché. 1983, Pipes of Peace, qui a marché un petit peu moins bien, mais bon album quand même. Puis, 84, Give My Regards to Broad Street. Alors, un flop, il y en a certains qui auraient peut-être aimé vendre autant d'albums qu'un flop de McCartney, mais bon, admettons, ça n'a pas trop bien marché. 1986, dont est extrait cette chanson-là, l'album Press to Play, ça n'a pas bien marché. 87, il a fait un best-of, donc il n'a rien sorti de particulier, si, un 45 tours, je crois, me souvenir. Et puis rien en 88, et en 89, il revient avec Flowers in the Dirt, qui a extrêmement bien fonctionné. Donc finalement, bah, il s'en sort bien, Paul McCartney, c'est plutôt très régulier. Le tout, c'est que il avait fait des tournées en 76, il avait fait une tournée en 79, mais qui n'avait pas donné un disque, quoi, un live. Et puis en 1980, tout stop à cause de ce qui s'était passé au Japon. Et puis plus rien. Entre 1981, on va dire, et puis 1989, plus de tournée. Bon, d'accord, il y a eu la mort de John Lennon qui l'a marqué. Il y a eu aussi le fait qu'il a participé, hein, quand même, ici et là, à différents concerts. Mais juste participé, pas de concert de lui-même. Mais finalement, moi je trouve qu'il s'en sort bien, Paul McCartney. Oui, il s'en sort bien. Allez, faisons un petit peu de réclame pour le site de Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me and I want all the world to see we've met. Na-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Nous sommes en 1965 sur l'album Help. I've Just Seen a Face, c'était une mélodie que Paul jouait au piano depuis très longtemps. Il l'a jouée lors des réunions de famille à Liverpool et sa tante Jean l'aimait tant qu'il avait baptisé Auntie Jean's Theme. L'orchestre de George Martin en enregistra une version instrumentale d'ailleurs sous ce titre. La tante Jean était la plus jeune sœur de Jim, le père de Paul, et apparut plus tard dans les paroles de Let Them In, enregistrées par les Wings, le groupe post-Beatles de Paul.

beds, with the blue beds, with the blue beds. Singing blue beds, blue beds, blue beds. Je sais pas vous, mais moi je déguste ce McCartney spécial entre 1960 et des brouettes et puis 2019. En voici un autre exemple, We All Stand Together, sur aucun album, seulement sur un single sorti en 2004, ça s'appelle Tropic Island Hum, le single. Side by side, hand in hand, we all Yvonne est une chanson qui est parue sur l'album Mirror Mirror en 1995 du groupe 10cc. Mais vous l'avez compris, cette chanson-là, celle que vous venez d'entendre, c'est la démo offerte par Paul McCartney. Et même si la chanson de 10cc est plutôt bien, elle est complètement différente au niveau de la rythmique, je trouve que la démo est encore meilleure. C'est pas du parti pris, pas du tout, c'est pas mon genre. Et celle-là, en 1970, Every Night, Paul McCartney, sur l'album McCartney. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out. Tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Let's go back, back, back, back, back. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. Thank you.

take a look. Please to take a look. Hold on, Indiana. Don't let go of your dream. Put your head held high. You would touch the sky. How much you wanna pay? That all depends on what it costs. Est-ce que vous avez remarqué que la première heure est déjà passée? Non? Vous n'avez pas rendu compte? Mais il y en a encore d'autres heures à venir. Courage! C'est la saga des Fab Four, numéro 400, je ne sais plus, 452 ou 451. Laissez-moi prendre 452C. C'est pour confiner, puisque c'est enregistré à la maison. En principe, c'est sur www.rgfm.fr ou 90.7, si jamais vous êtes dans la région bordelaise, puisque c'est une radio, en principe. Et cette saga dure depuis 1984. Pas cette émission-là, enfin pas l'émission en cours, mais je l'ai créée quelque part en 1984. Que le temps passe vite. Voici Paul McCartney en 2005 avec ce superbe album dans lequel il s'amuse à faire un peu dans le style des Beatles. Par exemple, cette chanson, English Tea. Si elle était sortie du temps de Revolver, elle aurait eu la même tête. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses. Listen most attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Such a pretty sight, 'cause we used to fight like cats and dogs. au jeu du stop ou encore, je sais que vous avez tous voté pour encore, alors encore. En 1975, sur l'album Venus and Mars, Magneto and Titanium Man, Paul McCartney. Aujourd'hui, on fait un best-of qui va peut-être durer 4 heures, c'est possible. Donc on fera une pause à 2 heures, vous aurez le temps d'aller manger un petit truc et puis on reviendra après, ok ? Si on peut, hein. De toute façon, vous pouvez arrêter l'enregistrement quand vous voulez, puisque c'est une saga enregistrée. C'est la saga des Fab Four, c'est une saga qui habituellement, une émission qui habituellement a lieu sur la radio RIG 90.7 pour ceux qui sont sur la FM et www.rigfm.fr pour le reste du monde. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Feel so sad, so lonely.

Thierry Gallet, animateur radio, un homme élevé aux Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur Érigé, la saga des Fab Four. Impressionnant chez Paul McCartney, c'est la qualité constante des années 60 jusqu'à maintenant. Nous étions en 1964 avec Kansas City, Hey Hey Hey Hey, ça c'est pas une chanson des Beatles, enfin c'est chanté par les Beatles mais c'est pas une chanson écrite par les Beatles, et cette chanson-là, And I Love Her sur A Hard Day's Night, cette fois-ci bien écrite par les Beatles, et entre parenthèses, 1964, quelle très belle année. Et si je vous propose une chanson de 2019, oui, sortie en 2019, ben c'est toujours de la qualité. La voix a vieilli, d'accord, c'est normal, mais écoutez, Home Tonight, c'est Paul McCartney sur RIG. I'm taking you home tonight. I wanna make sure that you're all right. Looks like a cold wind is blowing in. I'm taking you home tonight. We're like a train that's left the tracks. Taking you home. Taking you home. Yeah. bring you home tonight. I wanna make sure that you're alright. Looks like a cold, cold wind is blowing in. I'm taking you home tonight. So say yes tonight. Say yes to my suggestion is right. Say yes to me. Was out in the cold, and I taught myself to believe every story I told. It was fun hanging under the moon, heading into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Came so close to the edge of defeat, but I made my way in the shade, keeping out of the heat. It was fun shooting out of the stars, looking into the sun. But it's been too long, now I wanna come home. Home, where there's nothing but sweet surrender to the memories from afar. Home, to the place where the truth lies waiting. We remember who we are. For too long, I was out of my sun, but it's been too long, now I wanna come home. Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. I sat around all day, I used to get stoned. I like to get wasted, but these days I don't, 'cause I'm happy with you. I got lots of good things to do. Thank you.

Paul McCartney here, and you're listening to Widescreen Radio. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do. Balade ce soir dans la saga des Fab Four entre 1963, le premier album des Beatles, comme par exemple sur cette chanson A Taste of Honey, et 2019, le dernier album en date, enfin 2018 si vous préférez, dernier album en date de Paul McCartney. Si, on peut dire 2019, vous avez entendu tout à l'heure Home Tonight qui date de 2019. Paul McCartney à son meilleur pendant 4 heures surérigé en temps normal, et là, dans la saga des Fab Four en confiné, c'est-à-dire enregistré depuis la maison, et proposé sur Facebook pour que vous puissiez, vous, toujours, malgré le confinement, eh bien, avoir votre ration de Beatles, et j'espère que vous appréciez cette émission. Voilà. Un Beatles en plus, I'm Looking Through You, extrait de Rubber Soul, et ensuite il y aura Dear Friend, je sais que vous l'attendez cette chanson. I'm looking through you, where did you go? I thought I knew you, what did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. Chose de complètement différent. Dear friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? Are you afraid? True. la main tendue de Paul vers John sur l'album Wild Life en 1971. Quelle belle chanson! Le titre c'est Dear Friend. Nous arrivons en 1979 sur l'album Back to the Egg, ce fameux album que j'adore, avec cette chanson Around Through Me. Saga des Fab Four consacrée à Paul McCartney aujourd'hui, c'est une saga 200% McCartney puisqu'on fait une double de 4 heures. Oui, nous approchons des 2 heures, donc si vous voulez faire une pause, allez vous rafraîchir puis revenez. Parce que la musique continue sur RIG, enfin sur RIG dans le podcast qui passe habituellement sur RIG et que j'ai enregistré à la maison. Une journée comme ça, à un moment donné, pendant le confinement en tout cas, ça c'est sûr, car je suis à la maison, je vous assure. D'ailleurs, je répare un trou là-haut. 67. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will. And it breathes. important yesterday, and I still go. Fabulous Four Saga, right here on your radio with the Regale. I light a candle to our love. In love, our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done? Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the vibes of c'est fini. Merci d'avoir écouté cette saga des femmes fortes. Non, je rigole. C'était juste pour vous réveiller un petit peu, pour voir si vous étiez à l'écoute. Allez, la suite de la saga, eh ben, c'est maintenant. Qu'est-ce que nous avons passé? Je vous propose Warm and Beautiful. Je suis content de ma blague, il m'en faut peu. Extrait de At the Speed of Sound en 1976, Paul McCartney. A love so warm and beautiful stands when time itself is falling. A love so warm and beautiful never fades away. sadness. Time.

moments that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is gliding above the ocean. But God is riding upon his back. Swan en 1989 sur l'album Flowers in the Dirt, et auparavant c'était un instrumental In Private sur Memory Almost Full. Celle-ci je l'adore, il y en a qui n'aiment pas tellement, moi je la trouve fabuleuse. En 1978 sur London Town, With a Little Luck. There is no end to what we can do together. en 1971 sur Wine Life Tomorrow, Paul McCartney. Vous le savez, puisque vous êtes fan des Beatles, vous aimez Paul McCartney, donc vous le savez, mais en 1957, lorsqu'il a rencontré John Lennon, Paul McCartney, comment est-ce qu'il a réussi à convaincre John de l'engager dans son équipe ? En lui jouant 20 Flight Rock. 31 ans plus tard, en 1988, sur l'album russe qui s'appelait Choba B CCCP, sans l'accent, excusez-moi, je ne parle pas russe, voici 20 Flight Rock par Paul McCartney. I got the girl with the record machine. When it comes to rocking, she's a queen. Go to a dance on a Saturday night, all alone, rock and hold her tight. She lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down. So I'm all going to ride 3x4, 5, 6, 7, 8, 8x4. I'm on the 12 and I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. Get to the top, I'm too tired to fly. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, baby, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I could not stay away. So I'm on 2x3x4 5, 6, 7, 8, 9, 4. I'm used to stairs. I hope they heard me before it's too late. You know I love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. If I'm a cop straight, don't put a rail. But I'm all going to ride, divide, four, five, six, and ride, and ride, four. I'm on the 12, I'm starting to say 15 before I'm ready to drag. I get to the top, and I'm too tired to roll. Vous écoutez la saga des Fab Four en confiné, la saga enregistrée à la maison, tant qu'on est obligé. Sinon, c'est sur RIG 90.7 si vous êtes dans le coin, sur Bordeaux, et sur www.rigfm.fr pour le reste de l'univers. Voici la plus belle chanson de Paul McCartney, peut-être celle-là. Entre autres, j'ai envie de dire, j'en aime tellement. Nous sommes en 1966 sur l'album Revolver et voici Here, There and Everywhere. To lead a better life, I need my love to be here. Here, making each day of the give your heart to somebody soon.

let's go. Back, back, back, back, back. Everybody had a good year. Everybody Everybody let the hair down. Everybody pull the socks up. Everybody put the pool down. Oh yeah. C'était John pour cette chanson-là, I've Got a Feeling, en 1970. C'est encore une fois un titre composé à partir de deux chansons inachevées, qui sont cette fois-ci I've Got a Feeling de Paul McCartney et Everybody Had a Hard Year, l'année a été mauvaise pour tout le monde de John. La chanson de Paul, aussi optimiste qu'à l'habitude, fut vraisemblablement composée pour Linda, simplement pour lui dire qu'elle était la femme qu'il avait toujours cherchée. La chanson de John était une litanie dont chaque vers commençait par Everybody, tout le monde. L'année avait été effectivement mauvaise pour John. Son mariage avec Cynthia était brisé, il était séparé de son fils Julian, Yoko avait fait une fausse couche et il avait été arrêté pour possession de stupéfiants. Et sa fortune personnelle était réduite à 50 000 livres sterling. Durant le tournage de Let It Be, John relit Everybody Had a Hard Year et annonce ironiquement qu'il s'agit d'un morceau qu'il a commencé la veille. Si c'était vrai, la chanson daterait de janvier 69. Mais on le voit interpréter ce morceau à la guitare sèche sur des images de la BBC tournées dans le jardin de sa maison d'Ascot en décembre 68. Donc, il ment, le coquin. Allez, la suite de la saga spéciale Paul McCartney, c'est maintenant avec Souvenir 1997, Flamin' Pie. When you're fed up, shedding too many tears, and your memory seems like just so many. Why don't you let me know what you want? Paul McCartney aime s'essayer à tous les styles. Écoutez en 1963 sur le deuxième album des Beatles cette chanson Till There Was You. Je pense que John ne devait pas apprécier trop, mais lui, McCartney, il aimait. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Cha-cha-boom. Un best-of Paul McCartney dans la saga des Fab Four, c'est une saga confinée, donc faite à la maison. Je vous propose le McCartney des années 2010, Save Us et Hunt You Down Naked Ceiling à la suite. Something

Franchement, si vous prenez autant de plaisir à écouter cette saga que j'en ai à la faire, bah ça se passe bien, parce que j'aime beaucoup écouter du McCartney, même si on a largement dépassé les 3 heures, on va vers les 4 heures, bah ça va, je m'occupe et j'ai du grand plaisir à écouter ça, c'est vraiment bien. Beware My Love, c'était en 1976 sur l'album At the Speed of Sound, et c'est maintenant dans la saga des Fab Four. Yeah. Time is right. power cord and the candles burn down low. But something inside of me says the bad news isn't so. Force d'un mélodiste comme Paul McCartney. Quatre chansons différentes, un medley, et on se rend compte à la fin que les thèmes de chaque chanson peuvent s'entremêler avec bonheur. C'est du grand, grand Paul McCartney. We'll be right back. pense que la preuve est faite, hein, que ce soit Paul McCartney dans les années 60, 70, 80, 90, les années 2000, les années 2010, ça reste de l'excellent travail. Et souvenez-vous, en 1982, je crois, une phase B, Ode to a Koala Bear, Paul McCartney sur RIG, enfin, dans la saga des Fab Four, en confiné. Say

quand même prolonger encore. Et puis, merci en tout cas d'être resté jusqu'à ce moment-là. Si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là, moi, je suis parti il y a longtemps. Non, c'est pas vrai. Je suis resté jusqu'au bout et bah, ça m'a plu. Hein. C'est long 4 heures, mais ça valait le coup pour Paul McCartney. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine saga en confiné. Ce sera bientôt. À très bientôt, restez chez vous et n'oubliez pas, Nothing Stops the Beatles. À bientôt, ciao.